Ceux qui vous parlent est votre serviteur, il docteur Roé, pasteur Javier Palacios Elorio, de la Keikla Congrégation Yanave Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, Mexique. Nous vous invitons de la part de tous les Kadoshim, les saints d'ici, à visiter notre site d'internet www.gozoypaz.org. Vous trouverez des vidéos, des notes, d'enregistrements que vous pouvez télécharger gratuitement, copier et offrir. Faites-le avec confiance car le temps s'accorcisse. Ici, nous ne faisons pas de commerce avec la parole d'Elohim. Le sujet d'aujourd'hui est « En découvrant la vérité ». Vous allez découvrir la vérité, une grande vérité. Nous allons commencer par une question. Quel est le nom du Salvateur d'Israël et du monde entier? Son nom est Yahshua. S'écrit avec la lettre Shim de la Menorah. Et donc, Shua, ça veut dire salvation. Nous mentionnons Yahshua. Yahshua qui veut dire Yahweh est notre Salvateur. Rappelez-vous qu'il y a un seul Elohim. Ismaël, Israël, Adonai, Elohim. Adonai, Irmaï, écoute Israël. Adonai est un seul Elohim. Un seul Elohim. Eh bien, la parole Yalel ou Halel en hébreu ça veut dire exaltation. Et l'abréviation des nombres Yahshua, Yahweh, que ça veut dire Halleluya. En prononçant Halleluya, nous prononçons deux mots en hébreu. Chaque fois que nous prononçons Halleluya, nous disons exalté soit Yahweh. Exalté soit Yahshua. On ne dit pas Alléluia ou Alléluia de Jéhovah ou de Jésus. Car ces noms ne sont pas corrects parce que son nom est en hébreu et donc est Yahshua HaMashiach. Nous sommes d'ici au Mexique. Nous voyons et nous écoutons de diverses parties de l'Amérique latine. Nous savons pas de quel, mais nous vous souhaitons des bénédictions à toute votre famille. Eh bien, ici nous avons discuté avec les chrétiens. Nous l'avons dit que le nom du Salvateur est Yahshua. Et ils nous ont répondu, non, son nom ce n'est pas Yahshua, son nom est Jésus. Parle-moi en espagnol. Nous sommes au Mexique. Beaucoup parmi eux nous disent comme ça. Et aussi on a trouvé des personnes qui disent... « Non, mais parle pas en autre langue, parle-moi en espagnol. » Son nom est Jésus, ils insistent. Mais son nom, ce n'est pas Jésus, son nom est Yahshua. Jésus, ce n'est pas la bonne traduction. Donc, je fais un petit exemple. Ici, à tous les frères, les Sahim, si quelqu'un te dit que son nom est Jésus, et ce qu'il faut faire, si quelqu'un te dit que son nom est Jésus et qu'il faut... prononcé en espagnol, eh bien, tu peux leur demander « Pouvez-vous me répondre comment s'appelait président des États-Unis ?» Sans doute, ils vont vous répondre « George Bush ». Et donc, vous pourriez leur dire « Non, parle-moi en espagnol. Pourquoi vous me parlez en anglais ?» Et donc, si par l'être humain est facile de prononcer le nom propre tel comme il est, en anglais, en russe, en chinois, pourquoi pas alors faire un petit effort pour prononcer le vrai nom du Salvateur d'Israël et du monde entier. Il s'appelle Yahshua et personne ne peut le changer. Béni soit lui, l'éternel Yahshua. Il avait dit dans mon nom, vous chasserez des démons. Et donc, dans son nom, qu'il faut faire? Son nom est Yahshua HaMashiach. Nous avons l'expérience. Baruch HaShem Yahweh. La gloire soit à l'Éternel. Lorsque nous avons fait la libération démoniaque dans son nom, les démons sortent en criant, car ils ne supportent pas le prénom de l'Éternel. Si quelqu'un fait la libération démoniaque avec le nom de Jésus, en disant « Sors démon dans le nom de Jésus, sors dans le nom de gestion. La personne peut rester des jours après jours, de semaine après semaine. Il ne réussira à rien. Il ne réussira à rien faire. Parce que Jésus, ce n'est pas son vrai nom. Car son vrai nom est Yahshua. Et si vous prononcez le nom Yahshua, les démons ne supportent pas les vrais noms, le nom Kadosh et le nom Saint. Et donc les démons sortent en criant. Eh bien, je vais vous aborder sur la salvation. C'est vrai que la salvation est par la foi, mais elle est une foi obédiente. La traduction en hébreu est Emunah, qui veut dire croire, confier et obéir. Trois choses. Croire, confier et obéir. Les démons croient aussi, tremblent, car ils savent qu'il y a un seul Elohim. Nous le trouvons en Jacques, ce verset, et donc nous devions croire dans l'Éternel. Sans foi, est impossible de plaire à Dieu, Elohim. Et donc nous devions croire, confier et obéir. Celui qui ne obéit pas à Yahshua comme le Seigneur ne sera pas sauvé. Simplement ne le sera. Même s'il le reconnaît comme le Seigneur, il vaut comme le Salvateur, il ne sera pas sauvé. On ne peut pas choisir de faire notre volonté, mais nous devions faire la volonté des Elohim. Nous avons fait des enquêtes dans le code biblique par ailleurs. Vous le trouverez sur ce site internet qu'il y a beaucoup de monde qui veulent Yahshua comme le Salvateur, mais pas comme le Seigneur. Si nous allons voir Romains verset 10, chapitre 9, on trouvera qu'il dit, si tu confesses que ta bouche, que Yahshua est l'Adon, il ne dit pas que Yahshua est le Salvateur. Bien sûr que le Salvateur, on a déjà expliqué, mais d'abord, lui est le Seigneur. Allez ouvrir votre Bible. On est au verset 5, chapitre 9, et aujourd'hui, nous apprendrons quelque chose de très important. Ce verset que vous allez lire avec nous, généralement n'est pas utilisé dans les diverses églises chrétiennes, parce que les personnes ne veulent obéir à Yahshua. Hébreux verset 5, chapitre 9, est dit, et qui après avoir été élevé à la perfection Yahshua HaMashiach, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Soulignez-le, ce verset dans votre Bible, Tanakh, veut dire en hébreu, la Bible se dit Tanakh en hébreu. Pour tous ceux qui l'obéissent, mais le monde entier ne veut pas l'obéir, inclusif les peuples chrétiens. Vous devez sortir d'Égypte, vous deviez sortir de Rome et croire à l'Éternel d'Israël, au sauveur du monde entier. Eh bien, comment nous pouvons montrer quelqu'un qui aime à Yahshua HaMashiach? Allons voir Jean Yohanan, verset 14, chapitre 15. Dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mitzpot, vous pouvez le souligner. Si vous aimez, dit Yahshua, gardez mes commandements. Mais dans le monde entier, inclusif le christianisme, ne peut pas obéir à Yahshua HaMashiach dans ses commandements. Un de son commandement est le Shabbat et où l'ont changé pour le dimanche. Et beaucoup sont têtus en disant que le jour du Éternel est le dimanche. Mais ce n'est pas cela. Le jour du Éternel est le septième jour, car il avait fait son travail au six jours. Et le septième jour, il se reposa, que c'était le Shabbat. Nous allons parler du Shabbat, et donc il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Pas les commandements de Rome, pas les commandements d'Égypte, mais sinon les commandements de Yahshua HaMashiach. C'est quoi le jour exact de l'ange? C'est le même Elohim qui le dit. Allons boire Shemot. Exode verset 20. Dans ce verset, on trouvera le Shabbat. On est Exode verset 20, chapitre 8. Il dit, souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour. Ne dis pas le premier. Vous vous rendez compte? Et le verset 10 dit, mais le septième jour est le jour du repos. De Yahweh, ton Elohim, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Continuez à lire le verset 11. Car en six jours, Yahweh a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour de repos et l'a sanctifié. C'est-à-dire, c'est un jour kadosh, un jour saint. Et ce jour, personne ne peut changer, impérativement. Personne ne le peut faire. Eh bien, Enoch, verset 20, nous allons analyser ce verset. Une petite parenthèse. Si vous êtes chrétien, écoute ceci avec sagesse. Dans la traduction chrétienne, on trouve que les apostoles se réunissaient le premier jour de la semaine. Et donc, dans le Nouveau Testament, et aussi dans le premier jour de la semaine. Donc même dans un instant, nous allons analyser le mot « testament », car la traduction était mal faite, selon la Bible, la Tanakh. Eh bien, continuons à analyser Actes verset 20. Nous verrons que dans ce verset, effectivement, les Chaliachim, les apostoles, se réunissaient le premier jour de la semaine. Mais nous analyserons dans le point de vue hébreu. Nous allons analyser la Bible, la Tanakh, avec des yeux hébreux, pas avec des yeux romains. Donc, en Actes verset 20, chapitre 7, dit « Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours et il prolonge le discours jusqu'à minuit. Et donc, les frères chrétiens nous disent, vous voyez, messianique, le jour de se réunir tous ensemble est le premier jour de la semaine. Vous vous trompez. Mais dans la réalité, c'est le christianisme qui se trompe. Donc, comment il faut savoir quel est le premier jour de la semaine? En Bereshit, en Genèse, par ailleurs, le mot correct est Bereshit. Le jour par l'Éternel est considéré de coucher du soleil d'une journée jusqu'au coucher du soleil du lendemain. Ce n'est pas comme le calendrier romain ou l'horaire romain qui est de 12 à 12. Non, Yahweh ne mesure pas le temps comme ça. Yahweh met en pratique ce qu'il avait évoqué. Et donc, ce qu'il a mis en pratique est autorité. Et point. Faisons un exemple. Le vendredi soir, exactement au coucher du soleil, mettons que le soleil se couche à 18h. D'ici jusqu'au coucher du soleil du lendemain, ce sera le Shabbat. Évidemment, et le septième jour. Et donc, d'ici, dans cette keikhla, nous nous réunissons pour rendre culte à l'Éternel. Car c'est le Shabbat. De même, vous pouvez trouver l'ordre de toutes les fêtes, inclusive le Shabbat, dans le Lévitique, verset 23. Dans ce verset, vous trouverez ce qu'il faut faire en Shabbat. Et donc, nous nous réunissons du vendredi jusqu'au Shabbat pour parler de la Torah, d'un nouveau pacte et pour rendre culte à l'Éternel à partir de 18h samedi. Et le premier jour de la semaine pour l'Éternel. Et le dimanche, pour nous, c'est déjà une nouvelle journée. Et donc, nous fermons le samedi. Après cela, nous allons dans un endroit qui est à l'intérieur de la Keikhla pour partager le pain. Nous convivions ce moment-là tous ensemble. Mais ce n'est pas le Shabbat. Et le dimanche, eh bien, allons revoir Bereshit Genèse. Verset 1, chapitre 4. Et Elohim vit la lumière, qu'elle était bonne. Et Elohim sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et Elohim appelle la lumière jour. Et les ténèbres, il appelle nuit. Il y a eu soir et il y a eu matin. Et ainsi, vous trouverez plusieurs choses. Par exemple, lisez le verset 8. Et Elohim appela l'étendue sur, il est eu soir et il est eu matin. ce qu'on jure est ainsi continué de même. Maintenant, voyons le verset 13. Et il y a eu soir et il y a eu matin, troisième jour. Vous vous rendez compte? Est ainsi que fut l'ouvrage de l'Éternel. Encore, allons voir Exode 12. Je voudrais faire une petite parenthèse. Vous, chers frères, que vous connaissiez bien la Torah, peut-être pour vous c'est simple. En expliquant tout ceci, nous voudrions arriver à faire comprendre à tous ceux qui ne connaissent pas la Torah, à tous les frères messianiques du monde entier. Eh bien, et reprenons notre verset d'Exode, on avait dit verset 12, chapitre 6. Dans ce verset, nous parle de Pessah et dit « Et vous les chrétiens, et dit « Et vous, le tiendrez en garde jusqu'à 14e de ce mois, et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël égorgera » entre les deux soirs. Donc, vous vous rendez compte, c'est ainsi que c'est l'horaire pour Yahweh. Ce n'est pas comme l'horaire romain. Une fois que vous avez compris ceci, le jour du Shabbat est de coucher du soleil à coucher du soleil du lendemain. Comment pouvons-nous vérifier si c'est vrai ou pas ce qu'on dit? Allons voir Acte verset 20. Les apostoles se réunissaient pour partager le pain. Bien sûr, nous avons vu que c'était comme ça. Mais lorsqu'ils firent cet acte, c'était déjà nuit. Donc, reprenons notre verset pour lire. Acte verset 20, chapitre 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'au minuit. Et donc, il y avait beaucoup de lumière dans l'endroit où il se trouvait. De même, il y avait des lampes, des flambeaux. Question, pourquoi il y avait des lampes? Simplement, parce que c'était de nuit. Et nous voyons dans le Passour 9 qu'un jeune appelé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tombe du troisième étage, en bas, et il meurt. Mais Paul, à travers le roi HaKodesh, le ressuscita. Donc, nous pouvons confirmer que c'était bien de nuit, et pas de jour. Pourtant, le jour d'adoration exact, c'est le Shabbat. Allons voir Lévitique verset 23. En hébreu, se dit Vaïkra, qui signifie « et il appelle Yahweh ». Appelle à Moshe pour le parler de toutes les choses qu'il allait dire à tous les Lévitiques ou Kohanim. En Lévitique, sont marquées toutes les fêtes solennelles du Père éternel Yahweh. En disant cela, je voudrais vous dire que nous ne cherchons pas de vous judaïser. Et donc, si nous faisons cela, ce serait vous apprendre des coutumes juifs. Et le Shabbat, ce n'est pas de coutumes juifs. C'est un ordre du Père éternel. Et le quatrième commandement. Eh bien, en Lévitique, verset 23, nous pouvons voir que dit « Parlez aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes solennelles de Yahweh que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Et donc, dit les fêtes de Yahweh, ne dit pas du peuple juif. Et donc, le verset 3 dit que la première fête est le Shabbat. Eh bien, pour la maison de Juda et pour toute la maison d'Israël, même si nous sommes dispersés pour tous les coins du monde entier, nous devons garder pour amour à lui le Shabbat. L'Église chrétienne dit que les apostoles n'enseignaient pas la Torah, mal traduit comme la loi. En espagnol, la traduction ce sera « ley ». Et si vous lisez à l'envers, ce sera « yel ». Et cela, en espagnol, veut dire « amer ». Et regardez-vous qu'à l'intérieur de ce mot, il y a un message subliminant. Donc, en Psalme verset 19, dit que la Torah est plus douce que le miel qui coule de la gaufre. En conclusion, la Torah, ce n'est pas amère. Au contraire, elle est douce et belle. Eh bien, comme je vous ai dit, que le peuple chrétien disait que les apostoles avaient laissé d'apprendre la Torah, mais en Lévitique verset 23, voyons le chapitre 6, dit « Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En honneur de Yahweh, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. » Cette fête, vous la trouverez en la Torah, dans l'Antique Pacte de Lévitique, verset 23, chapitre 6. Qu'est-ce que Paul avait enseigné? Même si son nom correct est Shaul, lui avait enseigné la Torah. Donc, allons voir en 1 de Corinthiens, verset 5. Et nous allons vérifier avec la Torah, la Tanakh, avec la Bible en main, afin que vous puissiez mieux comprendre que Shaul avait enseigné cette fête aux chrétiens et où étaient habitués à rendre adoration à n'importe quelle chose. Ils avaient mis des dieux. Mais en 1 Corinthiens, verset 5, chapitre 7 et 8, dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pessah, qui est Mashiach, a été immolé pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la purité et de la vérité. » Dans le Pessah 8, dit « Célébrons-nous cette fête à Matzah, pain sans levain, en disant que les apostoles avaient laissé d'apprendre la Torah, c'est un mensonge. C'est un mensonge de Satan. Les Shaliachim apprenaient à tous la Torah. Je vais vous donner 4 versets du livre des Actes qui sont très importants afin que vous puissiez prendre note. Et vous trouverez dans cela que c'était bien que Shaul avait enseigné la Torah. Allons voir Actes verset 24, chapitre 14. Écrivez-le. Si vous faites cela, vous servirez beaucoup. Écrivez-le, s'il vous plaît. Cela vous servira beaucoup. De même, ce sera de bénédiction pour votre vie. Et vous allez apprendre beaucoup aujourd'hui. En Actes verset 24, chapitre 14, dit « J'avoue, bien que je sers Elohim de mes pères, selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes. » Maintenant, allons voir en Matthieu verset 5, chapitre 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. » Donc, Yahshua HaMashiach, là-dedans, le Seigneur et le Salvateur, n'est pas venu pour abolir la Torah, ni les prophètes. Donc, ni vous, ni moi, ni personne dans le monde entier pour dire que la Torah, c'est fini, alors que c'est confirmé par le même Elohim. Allons voir le livre des Actes, car je vous ai dit que j'allais vous donner 4 versets. Donc, allons voir verset 25, chapitre 8. Des actes. Shaul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la Torah des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. » Maintenant, vous vous rendez compte, lui avait gardé la Torah fidèlement. Allons voir de même le livre verset 26, chapitre 22. « Mais grâce au secours d'Elohim, j'ai subsisté. » Jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Maintenant, vous vous rendez compte, la Torah, les prophètes, la Torah, les prophètes. Donc, qu'est-ce qu'est la Torah? Elle est donnée sur l'oblin, sur un joug à l'arche pour ne pas tomber en péché ou malédiction. Continuons à voir Actes, verset 28, chapitre 17. Et pouvez-vous souligner, s'il vous plaît? Donc, or, il arriva 3 jours après que Paul convoqua ceux qui étaient les principaux de Juifs. Et quand ils furent assemblés, il leur dit, « Homme, frère, quoique je n'ai rien fait contre le peuple, au contraire, les coutumes des pères faits prisonniers à Jérusalem, j'étais livré entre les mains des Romains. Eh bien, nous avons vu 4 versets où Shaul avait parlé de la Torah. Lorsque une personne prie, vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'écouter la prière dans son même site internet. Hein, vous deviez comprendre que cela ascende au Malchut HaShamayim, au royaume des cieux. Si les personnes gardent la Torah, nous vous parlions à vous, peuple chrétien, parce que nous vous aimons. Mais de fois, on se trouve avec quelques-uns, ils nous disent, je ne veux rien savoir de la Torah. Je ne veux rien entendre de la Torah, de la loi de Dieu. Son nom est Jésus. Son nom, ce n'est pas Yahshua. En ce moment, qu'il donne la naissance à une dispute. Et la Tanakh nous apprend à ne pas se disputer. Je vais vous partager mes expériences personnelles. Lorsqu'une personne même pas accepte le nom Kadosh, le nom Saint de Yahshua, moi personnellement, je ne continue pas à parler. Car s'il n'accepte même pas le nom, la suite, il va le cracher. Et cela peut être une malédiction pour lui-même. En conclusion, son nom est Yahshua. Beaucoup disent « Je ne veux rien entendre de la Torah » et ferment ses oreilles. Je l'ai vécu de même. Les Kadoshim qui sont ici, ils ont vécu cette expérience. Bon, allons voir Proverbe verset 28. En ce temps, vous sauriez si votre prière sont écoutées ou pas. C'est lui qui, on dit, hein, Proverbe verset 28, dit, « C'est lui qui éloigne ses oreilles pour ne pas entendre la Torah, son prière est aussi abominable. » Écrivez-le. Nous pouvons dire que nous sommes beaucoup à aimer la Torah de Yahweh, mais aussi il y a beaucoup qui ne parlent pas d'elle. À cause de cela, il y aura des disputes. Nous n'aimons pas originer des disputes, car la Torah sont des perles. Et dit Yahshua, que nous ne devions pas donner des perles au parc. En Proverbe verset 28, chapitre 4, dit, ceux qui abandonnent la Torah louent les méchants, mais ceux qui gardent la Torah leur font la guerre. Plusieurs ont connu la Torah, mais l'ont crachée au-dessus. Mais l'Éternel va vomir de sa bouche. Ceux qui abandonnent la Torah louent les méchants, mais ceux qui gardent la Torah leur font la guerre. Toujours il y aura des pressions, si on voulait l'appeler comme ça. Donc, je répète, ce n'est pas judaïsé, car cela, ce serait des coutumes juifs, pas vous apprendre la Torah. Car c'est que je voudrais, et que vous apprendrez la Torah. Lorsque quelqu'un croit en Yahshua HaMashiach, abandonne la vie d'impie, laisse des êtres en goy, et devient à faire partie du peuple d'Israël. Cela, vous le trouverez dans l'enregistrement sur la Torah. Maintenant, voyons Éphésiens verset 12. 2, verset 2 et chapitre 15 dit « Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements » ici, ne vous dire pas que fait référence à la Torah, basée sur des ordonnances, car cette ordonnance, c'est rabbinique. Commandement rabbinique, cela n'a rien à voir avec la Torah. Continuons à analyser notre verset. Dit, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme, ici, ne parle de la Torah, mais de la loi rabbinique, aux lois rabbiniques. En 1 Corinthiens, verset 12, chapitre 2, nous verrons le suivant. Vous savez que quand vous étiez gens des nations, vous étiez entretenus vers les idoles muettes. Lorsque une personne croit que Yahshua, que lui est le Seigneur et le Salvateur, et le vit en tout. Au lycée Hébreux, verset 5, chapitre 9. Et vous trouverez des réponses. Et donc, si vous l'aimiez, gardez ses commandements. Jean, verset 14, chapitre 15. Si nous faisons tout cela, nous ne serons pas des impies. Et nous passerons à faire partie du peuple d'Israël, Ben Israël, fils d'Israël. Lorsque Yeshua HaMashiach avait prononcé ces mots, vous le verrez en Yohana, Jean, verset 8, chapitre 31, Yeshua donc dit aux Juifs qu'il avait cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous pouvez le souligner. Vous pourrez rendre compte. » On peut croire, mais pas obéir. Vous pouvez croire et obéir à lui. Quelqu'un qui ne garde pas la Torah de Yahweh, ce n'est pas son disciple, et non plus de Yahshua. Cette personne ne peut pas être sauvée. Ces passages s'en étaient lus beaucoup, et ils ont été mal interprétés malheureusement. Il nous dit seulement de le suivre, et de ne pas suivre à la doctrine de Rome, seulement de suivre à Yahshua. Donc, garder le Shabbat et garder les fêtes solennelles. Beaucoup de monde m'ont fait des demandes sur la circoncision, si c'était aboli ou pas. Je dis à la Mila, à celle de la circoncision physique de la peau. Donc, allons voir Exode verset 12, chapitre 48. Je voudrais vous dire que la circoncision physique n'était pas abolie. D'ailleurs, et le show de Yahweh qui a mis à son peuple au Bénin Israël. Lisons. Et si un étranger séjourne chez toi et vous faire la Pessah de l'Éternel, que toute mêle qui est à lui soit circoncis, et alors il s'approchera pour le faire et sera comme l'Israélite de naissance. Mais aucun incirconcis ne mangera. Probablement, vous pensiez que ici nous sommes de fanatiques exagérés. Cela, je vous dis, est parce que nous avons reçu des courriers électroniques où les personnes nous disent que la circoncision ne se fait pas. Question : qui sont-ils pour dire que la circoncision ne se fait plus ? La circoncision était une alliance que Yahweh avait faite avec Abraham. Donc, c'est une alliance perpétuelle. De même, vous trouverez des notes qui ont été traduites en 52 langues, toujours dans ce même site internet, pour la gloire à Yahshua. Nous parlons sur la Mila. La circoncision, évidemment. Par ailleurs, allons voir Nombre verset 15, où nous trouverons que nous dit qu'il y a seulement une seule Torah pour l'Israélite et pour l'étranger. Il n'existe pas de Torah. Il n'y a pas de loi, si on veut l'appeler comme ça. Il n'existe Dans nulle part que dit qu'il existe une Torah pour le peuple chrétien et une autre pour le peuple juif. Et Nombre verset 15, chapitre 16, dit « Il y aura une même Torah et une même ordonnance pour vous et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. Et encore de plus, si Shaoul dit « Vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des concitoyens », cela nous dit que, étant qui concitoyens, pardon, nous avons beaucoup plus de responsabilités. Maintenant, allons voir Ézéchiel verset 44. Ici, Yahweh est énervé. Yahweh s'énerve, mais c'est une colère kadosh. C'est une colère sainte. De cela, nous parlerons après. En Ézéchiel verset 44, chapitre 6, au 9, nous dit « Est-il rebelle ?» Vous vous rendez compte qu'il y a encore de rebelles, qu'il y a encore de personnes qui ne vont pas obéir. Et pourtant, ils disent d'être messianiques. Pourtant, ils disent d'être messianiques. Mais ils ne veulent pas obéir. Ils ne veulent pas obéir. Même pas, ils sont circoncis. D'ailleurs, ils n'ont même pas circoncis. C'est que ils continuent à être codicieux, avares, luxurieux, et ces personnes vivent encore en mensonge. Ils ne sont pas messianiques, mais sinon fils de Satan. Pour savoir c'est qui un vrai messianique, vous pouvez regarder dans les notes de ce même site internet www.gozoipas.mx. Être messianique, ce n'est pas pour les lâches, mais sinon pour les courageux. Vous rappelez de ce phrase et tu diras « rebelle ». Donc, ne soyons pas rebelles, ni vous, ni moi, à la maison d'Israël. Et ainsi a dit Yahweh, l'Adon, « Arrêtez-vous de toute votre abomination ». Aux maisons d'Israël, eh bien, une question. Pourquoi les Juifs se circoncident? Réponse, car ils aiment l'Éternel, même s'ils ne connaissent pas Yahshua. Et aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup qu'ils sont en train de connaître Yahshua HaMashiach. Dans le verset 7, dit que vous avez amené les fils de l'étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour qu'ils fussent dans mon sanctuaire, ma maison, pour le profaner, comme vous avez présenté mon pain, la graisse et le sang. Ils ont rompu mon alliance par toute votre abomination. Analysons la phrase. Et d'invalider mon alliance, ici vous dire que personne ne peut pas invalider les alliances de Yahweh. Le verset 8 dit « Et vous n'avez pas vaqué au service de mes choses saintes, mais vous avez établi pour des étrangers pour vaquer à mon service, dans mon service. » Et le verset 9 est une prophétie pour le millénium. Ainsi dit Yahweh, l'Éternel, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Dans mon sanctuaire, d'entre toutes les étrangères qui sont au milieu des fils d'Israël. Je vous ai donné quelques versets. Shemot, Exode, verset 12, chapitre 48. Notre verset 15, chapitre 16, où nous trouverons qu'il y a une seule Torah pour l'étranger et pour les Israéliens. Shemot et Nombre font partie de la Torah. Mais ce que nous venons de voir est un verset prophétique. De même, dans le livre d'Ésaïe, verset 52, chapitre 1 et 2, est ainsi que je vous ai donné deux versets avec lesquels vous pouvez analyser la Torah et les prophètes Navin qui vous disent en hébreu. Eh bien, en plus, Yeshua HaMashiach avait dit qu'il n'était pas venu pour abolir la Torah ni les prophètes. En conclusion, la circoncision du corps et la circoncision physique dans la chair est toujours valide. Et absolument personne ne peut pas enlever ceci. Car si quelqu'un ajoute quelque chose, on l'enlève, sera maudit. Et ce qui dit la Tanakh, la Bible. Donc, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça veut dire que nous vivons dans les derniers temps. Aujourd'hui est le 28 avril 2010 et le 14 du Iyar. Donc nous vivons dans les derniers temps de la semaine 70. Vous devez mettre en pratique toute la Torah. Garder le Shabbat, garder les fêtes et de même se circoncider. Nous sommes très contents car plusieurs Arhim nous ont écrit des différentes parties du monde, la Kavot soit par Yahweh, en nous disant qu'il obéisse au Père éternel. Ce sujet est vraiment très court. Ce que je vous ai donné est quelque chose de basique que toute messianique doit maîtriser en mémorisant les versets pour après pouvoir enseigner aux autres qui ne connaissent pas la Torah. Venez amoureux de la Torah, sortez vite de la mensonge de Rome, car on n'a pas assez de temps. En Apocalypse, verset 18, chapitre 4, dit « Sortez de milieu d'elle, mon peuple. Yahweh parle à vous, peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. » Eh bien, sur la salvation, de même, vous le trouverez dans ce même site internet. Pour être sauvé, vous devez être obéissant. On ne peut pas dire qu'on croit et on ne peut pas obéir. Puisque la personne qui n'obéit pas, ça veut dire qu'elle est un rebelle. Comme nous avons vu dans le verset où les prophètes parlaient. Seulement une partie de la maison d'Israël sera sauvée. Des millions de personnes seront mortes. Vous avez bien entendu, des millions de personnes mourront sans être sauvées. Ne soyez pas un de ces personnes. Cherchons la sainteté en Kedusha et obéissons à l'Éternel, Yahweh, car il vient bientôt. Son nom est Yeshua HaMashiach. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il prenne soin de vous. Shalom ou Brachot, paix et bénédiction. Amen. Demain.